et sans repos, condamné à errer sur les flots, capitaine d'un vaisseau fantôme. Les vents déchaînés à mon oreille me font souvent la conversation. S'achèvera si touchée par mon infortune. Une fille de la terre voulait par amour se sacrifier, m'épouser et m'aimer. Ce serait la fin de mon calvaire. Mais mon esprit s'égare, je crois bien. Compagnons d'infortune, une bande de spectres, équipage de fortune, sans visage et sans âme. Mon passé nous poursuit, comme un rêve maudit, empoisonnant mes jours, empoisonnant mes nuits, empoisonnant ma vie. Son